Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben, comme à l'habitude, j'ai parcouru les interwebs pour vous. Donc, j'ai trouvé plein de musique qui est disponible en téléchargement gratuit. Donc, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez vous rendre sur la page de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça. Cette semaine, j'avais le goût d'un peu de post-punk. Donc, j'ai trouvé plein de matériel dans ce sens-là. Beaucoup de matériel disponible sur la Free Music Archives. Donc, c'est une initiative de la radio WFMU. C'est une archive de musique gratuite vraiment gigantesque. Beaucoup de matériel vraiment intéressant. Donc, allez visiter la Free Music Archives. Vous allez trouver quelque chose à votre goût. C'est garanti. Donc, cette semaine, on va débuter avec le groupe Gran Jaescuela. C'est la pièce Gabbana Karaoke. Ensuite de ça, c'est un groupe de Pittsburgh du nom de Dress Up as Natives. C'est la pièce You Had to Be There. Puis, enfin, tout de suite après, on va entendre le groupe O Belgium avec la pièce Bracelet of Scars. O Belgium, un album vraiment excellent. Dommage, le groupe n'existe plus. Donc, c'est ça. On débute Web Musique tout de suite avec Gran Jaescuela, la pièce Gabbana Karaoke. We'll be right back. groupe vraiment raide. Donc, c'était Oh Belgium, défunt groupe, malheureusement, que j'adore. C'était la pièce Bracelet of Scars. Donc, avant ça, c'était Dress Up as Natives, un groupe qui vient de Pittsburgh. C'est un enregistrement qui date quand même de 1981. C'était la pièce You Had to Be There. Bien, avant ça, on avait débuté l'émission avec Gran Joas Cuella, la pièce Gabbana Karaoke. Donc, on poursuit Web Music avec un groupe, cette fois-ci, de Columbus, en Ohio. Le groupe s'appelle El Jesus de Magico. C'est la pièce Bone Knife. Ensuite de ça, de Barcelone, c'est Arponoira. C'est la pièce Hepatitis. Puis ensuite de ça, ben, de Vancouver, c'est Sex Church avec la pièce Dull Light. Sex Church qui est publiée sur Load Records, une étiquette de Vancouver. Donc, on écoute tout de suite El Jesus de Magico. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique en compagnie de Simon Roy. C'était la pièce Dull Light par le groupe de Vancouver Sex Church. C'est publié donc sur Load Records. Avant ça, de Barcelone, c'était Arponera avec la pièce Hepatitis. Et enfin, on avait débuté ce bloc-là avec El Jesus des Magico. C'était un groupe de Columbus, Ohio. C'était leur pièce Bone Knife. Ça, c'était publié sur Columbus Discount Records. Plein d'albums assez intriguants. Donc, allez faire un tour du côté de Columbus Discount Records. Ça vaut la peine. On poursuit avec un groupe de la ville de New York. Le groupe s'appelle The Unsacred Arts. Je vous fais entendre la pièce I Was Raised to Be Polite and Kind. Ensuite de ça, sur Nene Records, une étiquette de la ville de Monterrey au Mexique, c'est le groupe Hypno Mango avec la pièce El Mundo No Es Real. Puis enfin, on va entendre les Lame Drivers avec la pièce NMI DMO VRS We Don't Make Mistakes. Donc, c'est une pièce des Lame Drivers. On écoute tout de suite à Web Music The Unsacred Arts. We'll be right back. don't make mistakes. CKRL 89.1, Québec. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Papa! Vous ne l'entendrez plus jamais vous dire « Papa !» Vous avez bien vu les panneaux orange à l'approche du chantier routier, mais vous avez traversé le chantier sans en tenir compte, collé sur l'auto devant vous. Vous n'avez jamais eu le temps de freiner. Et sa voix « Papa !» s'est éteinte à jamais. Quand c'est orange, on redouble de prudence. Un message du gouvernement du Québec. L'Ampli lance un appel de candidature aux artistes de la relève musicale pour la prochaine cuvée de son volet pro. Faites vite car il prend fin le vendredi 7 septembre 2012. Vivez un encadrement d'une durée de 10 mois et propulsez votre carrière. Consultez la section volet pro du site pour tout savoir. Procurez-vous la compilation 2012. Je serais allé au bout du monde, je serais parti, je t'aurais suivi. J'avais déjà décollé, j'étais rendu au 7e ciel, mais ton avion était parti. J'ai acheté des draps bien joli, avec des petits pois. Je t'ai mis le temps d'une chevelle. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca. 88-977-9764. L'Ampli remercie l'incubateur de musique francophone, Sillon le disquaire, Archambault, Voir Québec et CKRL 89.1. L'Ampli est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Québec. Demain, dès 15h, Tania Beaumont et son équipe vous attendent au Sacrilège pour l'émission spéciale du Festival d'été, C'est dans le sac. Des invités, de l'émotion, des potins, des prestations et des prix de présence. Pour tout savoir sur le Festival d'été de Québec, rendez-vous au bar Le Sacrilège, 447 Saint-Jean, du 5 au 15 juillet, de 15h à 18h. C'est dans le sac, une présentation de Boréal. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy. Donc, on s'est fait brasser un peu en première partie d'émission. C'était à tendance post-punk. Beaucoup de trucs à saveur espagnole, pour mon plus grand plaisir. Je comprends absolument rien à l'espagnol, mais j'aime bien le flow, donc ça fitait parfaitement. Avant la pause, on entendait un groupe de Brooklyn, Lame Drivers, avec la pièce Enemy, DMO, VRS, We Don't Make Mistakes, donc un excellent groupe. Avant ça, c'était Hypno Mango, un groupe mexicain, avec la pièce El Mundo No Es Real. C'était publié sur Nene Records. Allez voir Nene Records, plein de bonne musique. Donc avant ça, c'était de la ville de New York, The Unsacred Arts, avec I Was Raised to be polite and kind. On va poursuivre avec des trucs peut-être un petit peu plus mollo, un peu plus planant. Donc, je vous propose un groupe de la Californie, Charts and Maps. C'est publié sur Lost Children, un net label qui se spécialise dans la musique post-rock, mat-rock et toutes sortes de rock dans ce style-là. C'est la pièce Pearl Divers of the Arabian Peninsula. Vous allez voir une pièce vraiment excellente. Ensuite de ça, un groupe de Kiev en Ukraine, c'est Nice Wings Icarus. La pièce s'intitule Eagle. Ça, c'est publié sur Clinical Archives. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on écoute Charts and Maps. de la ville de Kiev en Ukraine. C'était donc Nice Wings Icarus avec la pièce Eagle. C'était publié sur l'excellent netlabel Clinical Archives, qui ont plus de 500 albums, donc en téléchargement gratuit, musique tout genre confondu, donc netlabel vraiment important dans la scène net audio. Avant ça, de la Californie, c'était Charts and Maps avec la pièce Pearl Divers of the Arabian Peninsula. C'était publié ça sur Lost Children. Pour la suite de Web Music, on va entendre tout de suite une pièce de Neko Nine. C'est la pièce Some People Are Not Like Me. Donc, Neko Nine qui nous vient de la Russie. C'est tiré de leur album Summer Is You. On écoute ça tout de suite à Web Music. Donc, de la Russie, c'était Neko Nine avec la pièce Some People Are Not Like Me. C'était tiré, donc, comme je vous disais tantôt, de l'album Summer Is You. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vais vous rappeler de vous rendre sur le site de l'émission qui est au www.webmusic.com. webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez sur le site, vous consultez la playlist de l'émission et vous téléchargez les pièces entendues à l'émission. Donc, les pièces sont disponibles gratuitement et légalement. La plupart sont sous licence Creative Commons. Vous en avez d'autres dans le domaine public. Donc, vous pouvez partager tout ça avec vos amis, vos collègues, votre famille. Il n'y a vraiment pas de problème. Au contraire, c'est encouragé. Les artistes font pas souvent d'argent avec leurs pièces. Mais le plus beau commentaire que vous pouvez leur faire, c'est donc partager la musique. On va se quitter sur une dernière pièce de Caspian, une pièce en téléchargement presque, je dis, gratuit entre guillemets. Il faut fournir malheureusement une adresse courriel pour télécharger l'album. C'est quand même pour une bonne cause. C'est un album live at Old South Church, donc par Caspian, un groupe qui vient du Massachusetts. C'est pour une charité qui s'occupe donc de la défense des personnes. Attendez un peu. Ouais, qui font du trafic sexuel. Donc, c'est une bonne cause. Je vous invite à aller donc télécharger l'album. Je vous fais passer une pièce quand même assez longue qui dure 10 minutes. C'est une pièce en concert donc à cette Old South Church. C'est la pièce Last Rites. Donc on se quitte là-dessus. Tout de suite après, ben c'est l'émission La Croche Oreille qui suit. Je crois que ça va être un spécial avec Alexis Balavance. Donc restez à l'écoute de CKRL. Encore plein de bonne musique ce soir. Au revoir. Thank you. Téléchargez ou réécoutez l'émission Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Ce soir, au 89.1, à 20h, Simon Roy vous présente un condensé de la meilleure musique extrait de la toile dans l'émission Web Musique. Et à 21h, c'est l'émission L'accroche-oreille en rediffusion, animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay. Et dès 22h, musique ininterrompue, une sélection de Daniel Marcoux. Bonne soirée sur nos ondes. Attention, auditeurs de CKRL, jusqu'au 17 août ou jusqu'à épuisement des réserves, CKRL vous offre son T-shirt avec la série de 5 logos de différentes couleurs à seulement 10$. Un vrai coup de chaleur! Pour l'acheter ou l'offrir en cadeau, venez à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h et portez fièrement les couleurs de votre radio favorite! J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 503e Avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien, vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au Bar Le Sacrilège. De toute façon, La CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. CKRL. 89. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Yeah.